port. On y parle d'amour, de pêche et de partance, d'espoir et de retour. Et l'on y fait bombance. Bois un coup, matelot, encore une lampée. Profite de ton temps et tire ta bordée. Mais la servante est rousse, son jupon se retrousse, et son mollet est rond, et ses yeux sont fripons. Aimant la bagatelle, chacun y vient pour elle, pour chipper un baiser sur sa nuque frisée, au désir qu'elle émousse. Car la servante est rousse dans le bistrot du port. Dans le bistrot du port, parmi tous les copains, il parle du voyage qu'il va faire demain. Et c'est un beau mirage. Bois un coup, matelot, encore une lampée. Profite de ton temps et tire ta bordée. Mais la servante est rousse, son jupon se retrousse, et son mollet est rond, et ses yeux sont fripons. Et dire je t'aime, et demain au jour blême, tout tirant à bâbord, toute voile dehors, il restera quand même. Par quel tu dire je t'aime dans le bistrot du port, car la servante est rousse, son jupon se retrousse, et son mollet est rond, et ses yeux sont fripons. Aimant la bagatelle, chacun y vient pour elle, pour chipper un baiser sur sa nuque frisée, au désir qu'elle émousse. La servante est rousse dans le bistrot.